A partir deste momento, Dancitalo. Dancitalo. Canal 2. Thank you. Oh. adventures have you lost in broken town? And the world knows it's dawn and far tonight. People like that, I can waste my time for him. Before the world is running down, Commando, oh, Commando, oh, Commando, oh. Thank you. je sors la poche, je les allume, je m'en vais tout droit à la discothèque. Quand j'arrive là, je fonce direct, enfermé dans ma boule de rêve. Mes deux platines, mes deux amplis sont déjà prêts à fonctionner. Je trace le disque, je les mets en place, ça y est, je suis prêt à commencer. Les gens qui rentrent et se bousculent, tout le monde a envie de danser. Le premier disque, c'est Billie Jean, je le mixe avec Epic Jean. C'est la folie, y'a de l'ambiance, voilà déjà le disque sympa. Ces jeunes dit Peter Brown vont penser que c'est déjà l'heure de mettre un saut pour les dragueurs qui attendent là tout seul le bar. Your song. Show me your muscle and your strength. Come on, Denn alles, was entsteht, ist Wert, das zugrunde geht. Und besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Das Omen. You.